Madame Renard l'interrompit. « Cause toujours. Rira bien qui rira le dernier. » Il se tourna vers elle avec candeur. « Eh ben, je peux te charger, puisque t'es pas en cause, toi. » Puis, faisant de nouveau face au président. Lorsque continue. « Dont nous allions à Poissy tous les samedis soirs pour y pêcher, dès l'aurore du lendemain. C'est une habitude pour nous qui est devenue une seconde nature, comme on dit. J'avais découvert, voilà 3 ans cet été, une place, mais une place, oh là là, à l'ombre, 8 pieds d'eau au moins, peut-être 10, un trou quoi, avec des retrous sous la berge, une vraie niche à poissons, un paradis pour le pêcheur. Ce trou-là, monsieur le président, je pouvais le considérer comme à moi, vu que j'en étais le Christophe Colomb. Tout le monde le savait dans le pays, tout le monde sans opposition. On disait, ça, c'est la place à Renard. Et personne n'y serait venu, pas même monsieur Plumeau, qui est connu, soit dit sans l'offenser, pour chiper les places des autres. Donc, sûr de mon endroit, j'y revenais comme un propriétaire. À peine arrivé, le samedi, je montais dans la Dalila avec mon épouse. Dalila, c'est ma Norvégienne, un bateau que j'ai fait construire chez Fournaise, quelque chose de léger et de sûr. Je dis que nous montons dans Dalila et nous allons amorcer. Pour amorcer, il n'y a que moi. Eh, il est ça bien, les camarots. Vous demanderez avec quoi j'amorce? Je ne peux pas répondre. Ça ne touche pas à l'accident. Je ne peux pas répondre, c'est mon secret. Ils sont plus de 200 qui me l'ont demandé. On m'en a offert des petits verres et des fritures et des matelotes pour me faire causer. Mais, va voir s'ils viennent, les chevennes. Ah oui, on m'a tapé sur le ventre pour le connaître, ma recette. Il n'y a que ma femme qui la sait. Elle ne le dira pas plus que moi. Pas vrai, Mélie ?